Les trois avis par Marie Écart. Lorsque Bonaparte fut premier consul à vie, sa cour se trouva comme son pouvoir sur le même pied que le pouvoir et la cour d'un roi. On y procéda pas à pas, mais sans relâche. Ce fut l'affaire de 2 ans. On compulsa tous les codes de l'étiquette, on consulta les vieux courtisans et les anciens valets. Comment cela était-il? Comment cela se faisait-il autrefois? Telle était la question à l'ordre du jour dans l'intérieur du palais, et l'on en revenait toujours aux us et coutumes du temps passé. Le premier consul trouva avec raison que les Tuileries étaient un triste séjour, qu'il n'y avait ni repos ni liberté. Il passait donc les beaux jours à la Malmaison, mais la Malmaison était bien loin de Paris. Tout le personnel du pouvoir s'y transportait difficilement. C'était d'ailleurs une maison particulière plutôt qu'un palais, et trop petite pour l'étalage de l'étiquette et la pompe de la représentation. Bonaparte prit alors de sa propre autorité le château de Saint-Cloud, qu'il avait refusé quelque temps auparavant quand on le lui avait offert en déclarant qu'il n'acceptera rien de la part du peuple pendant le temps de sa magistrature ni dans l'année qui suivrait sa sortie du pouvoir. L'ambitieux héros oublia ses propres paroles dès qu'il eut fait ses premiers pas. M. Gaudin, ministre des Finances, fut, dit-on, le premier qui, à l'audience de Saint-Cloud, portait la bourse et les dentelles. L'exemple fut suivi et bientôt l'épée et les bas de soie remplacèrent le sabre et les bottes. Bonaparte lui-même parut en l'an 10 à la fête du 14 juillet avec un habillé de soie rouge brodée à Lyon, et on remarqua que les Anglais qui venaient aux audiences du premier consul se saupoudraient la tête de poudre à la maréchale et attachaient une bourse au collet de leur habit. Quelques courtisans, il y en avait déjà beaucoup, avaient aussi repris la poudre. Toutes les petites choses, dit un grave historien, étaient devenues de grandes affaires. Les anciens perruquiers étaient en guerre avec les nouveaux. Chaque matin, on regardait la tête du premier consul. Si on l'eût vu une fois avec de la poudre, c'en était fait d'une des modes les plus saines et les plus commodes de la Révolution. Les cheveux au naturel lui étaient proscrits. Les femmes âgées, les matrones de la cour de Louis XV, qui se glissaient autour du pouvoir, étaient à la tête de la contre-révolution. Les jeunes femmes qui allaient former la cour nouvelle tremblaient que la réforme ne les atteignît et qu'on ne finît par les grands paniers après avoir commencé par les chignons et les toupets. Mais Madame Bonaparte se mit de l'opposition, et c'est peut-être à elle qu'aujourd'hui encore nos dames doivent l'avantage de n'avoir pas la tête poudrée. Tandis que le pouvoir imposait ainsi ses charlataneries au grand homme, et qu'autour de lui tout devenait peu à peu copie de Versailles et copie de tous les cours, ce qui répugnait le plus à un grand nombre de personnes que le devoir amenait à la cour, c'était la messe qui précédait l'audience. Beaucoup avaient perdu l'habitude de l'église, quelques-uns avaient contribué à renverser le culte. Rien n'était d'ailleurs plus mondain que cette messe. Les actrices de l'opéra y chantaient, et les personnes qui ne trouvaient pas place aux fenêtres qui donnent sur la chapelle circulaient et causaient dans la galerie. Un jour, la messe ayant été célébrée 1 heure plus tôt que d'habitude, « C'est pour en dispenser ceux qui n'en veulent pas, » dit le premier consul, qui n'ignorait pas les répugnances qui l'entouraient. Mais lui était plus assidu à la chapelle qu'il ne convenait à Madame Bonaparte. Joséphine était très attachée à son mari, auquel elle portait bonheur, disait-elle. Et déjà victime des idées ambitieuses qui, plus tard, poussèrent l'empereur au divorce, elle redoutait toute rivale qui aurait pu apprendre à Bonaparte qu'il pouvait se passer d'elle. Or, durant la messe, l'œil du premier consul était invariablement fixé sur une des fenêtres de la galerie qu'occupait toujours une jeune personne, vêtue avec une scrupuleuse modestie et d'une merveilleuse beauté. Des cheveux châtains, des yeux brillants, une figure dont la distinction n'excluait pas du tout l'enjouement, et 2 petites mains blanches qui tenaient un eucologe de maroquin rouge et dont les doigts gracieux tournaient les feuillets, tandis que l'œil perçant de la jeune fille paraissait glisser sur les pages sacrées pour aller rencontrer le regard animé du consul. Telle était celle dont la présence inquiétait Joséphine. « Quelle est cette jeune fille ?» demandait la femme du premier consul à ses dames. « Elle en veut à Bonaparte. » Quand le consul a passé sous la fenêtre qu'elle occupait, elle a laissé tomber un billet que Bonaparte a ramassé. « Je l'ai vu. » Personne ne put contenter la curiosité de Joséphine. Cette jeune fille était une Anglaise, disait-on, qui n'était en France que depuis peu de temps. D'autres prétendaient que c'était une émigrée nouvellement radiée des listes fatales et qui avait à réclamer l'intervention du premier consul. Après l'audience, Bonaparte voulut se promener en calèche dans le parc. Sa femme, Joseph, Duroc, Hortense, qui venait d'épouser Louis Bonaparte, et le consul Cambacérès montèrent dans la calèche. Le roi de Prusse avait donné à Bonaparte un attelage superbe, et les 4 chevaux piaffaient dans la cour. Le premier consul eut le désir de conduire lui-même à grande guide. Il fit descendre le cocher et monta sur le siège. La calèche part. À la grille qui sépare le jardin du parc, le premier consul accroche une borne, perd l'équilibre et est renversé à plusieurs pas. Il veut se relever, retombe et perd connaissance. Cependant, les chevaux s'emportent et entraînent la voiture. Duroc s'élance, se saisit des rênes flottantes et ramène à la grille Joséphine évanouie. On transporta le premier consul dans ses appartements, et quand il fut revenu à lui, il mit machinalement la main dans les poches de sa veste et en tira le papier qui était tombé à ses pieds dans la chapelle. Joséphine lut par-dessus son épaule ces seuls mots tracés au crayon. « Ne montez pas en voiture aujourd'hui. » « On ne pouvait pas prévoir que je voudrais faire aujourd'hui un métier qui n'est pas le mien, » dit Bonaparte, « ni que je serais assez maladroit pour accrocher la grille du parc. Duroc, allez visiter la calèche. » Duroc obéit, et il revint presque aussitôt pâle, la figure décomposée, et entraînant le premier consul dans un petit cabinet attenant au salon où se trouvait alors Joséphine. « Citoyen consul, lui dit-il, si vous n'aviez pas accroché la grille, si vous n'eussiez pas été renversé du siège, nous étions perdus. Comment cela ? Il y avait dans la calèche, cachée dans le siège de derrière, une bombe, une véritable bombe chargée à mitraille et mèche allumée. On avait disposé les choses de manière que nous devions tous être lancés par-dessus les arbres du parc Saint-Cloud. Encore quelques minutes et le feu de la mèche atteignait la poudre. Il faut prévenir Fouché, il faut faire avertir Dubois. Pas un mot, dit le premier consul. La connaissance du premier complot en engendre presque toujours un second. Que Joséphine ignore le danger qu'elle a couru, qu'Hortense, que Joseph, que Cambacérès n'en sachent rien, et quant à la chute, que les journaux du gouvernement n'en parlent pas. Évitons toute publicité. Tenez, Duroc, ajouta-t-il, en prenant dans sa bibliothèque un volume de l'histoire d'Angleterre, qu'il ouvrit à la vie de Cromwell. Tenez, Duroc, lisez cela. Duroc lut ce qui suit. Cromwell avait reçu d'un prince allemand un attelage de 6 chevaux, remarquables par leur vitesse et leur beauté. Étant allé seul avec Turler faire une promesse à Hyde Park, dans une voiture légère traînée par ses chevaux, il lui prit fantaisie de les mener lui-même. Il laissa Turler dans la voiture et prit la place du cocher, ne croyant pas qu'il fût plus difficile de conduire quelques chevaux que de mener 3 nations. Mais les chevaux, vifs et indociles sous la main de leur nouveau conducteur, s'effarouchèrent et emportèrent la voiture qui fut bientôt renversée. Dans cette chute, un pistolet que portait Cromwell fit feu sans le blesser lui-même. On releva le protecteur étourdi et meurtri de sa chute, mais moins maltraité que Turler. « Je ne veux point qu'on m'en compare à Cromwell, » continua Bonaparte en fermant le volume. « Voyons, Duroc, suis-je, comme le protecteur, un hypocrite, un fanatique ? Suis-je le meurtrier de quelque Charles Ier, par hasard ? Ils m'ont déjà comparé à Manque. Ah, vous viendrez dimanche prochain à la messe, et vous examinerez avec attention une jeune personne que je vous désignerai de l'œil. Elle occupera dans la galerie la 4e fenêtre à droite. » Ou la suivrez, ou la ferez suivre et saurez me donner son nom, sa position, sa demeure. Je ne veux pas en charger ma police. Vous avez visité la calèche avec soin, vous avez dérobé l'instrument de mort à tous les yeux. Allons nous promener dans le parc. » La promenade fut reprise ainsi que le voulait le premier consul, mais cette fois il laissa tenir les guides à son cocher. Le dimanche suivant, la jeune fille ne parut pas à la messe de Saint-Cloud. La jalouse Joséphine chercha en vain la jolie figure de jeune fille, tandis que l'impatient Bonaparte tournait le dos à l'autel pour fouiller du regard les recoins les plus obscurs de la chapelle. Cependant l'hiver rendait Saint-Cloud inhabitable, et on approchait de ce mois que le calendrier républicain, nommé Nivose, avait autant de phonie que de vérité. Le premier consul revint à Paris, et les grands appartements des Tuileries furent de nouveau ouverts. Un soir, c'était le 3, Bonaparte monte dans sa voiture, accompagné de son aide-de-camp Lauriston et des généraux Lannes et Berthier. La voiture allait partir lorsqu'une femme, la tête enveloppée d'un mantelet noir, accourut sur la place du carrousel, s'avança au milieu du piquet qui devait accompagner Bonaparte, et un papier à la main s'écria « Citoyen consul, citoyen consul !» Bonaparte, avec ce sourire gracieux dont le charme était si puissant, salue, puis tend la main et prend la missive. « Une pétition, madame, » dit-il. « Soyez tranquille, je la lirai et j'y ferai droit. »« Citoyen consul !» disait cette femme en joignant les mains. « Par pitié !» Mais la voiture, dont le cocher à sureton était ivre ce jour-là, partit comme la foudre, et le consul, jetant le papier qu'il venait de recevoir dans son chapeau, dit à ceux qui l'entouraient « Je n'ai pas pu voir sa figure, mais à sa voix, je parierais que c'est une jeune femme. » La voiture brûlait le pavé. Elle n'était pas encore sortie de la rue Saint-Nicaise qu'une détonation épouvantable se fit entendre, qu'au cri des citoyens qui succombaient, se mêlait le bruit des maisons s'écroulant les unes sur les autres et le clic-clac frêle des vitres de tout un quartier qui se brisait. Le premier consul était déjà à l'opéra. Il entra dans sa loge avec le front calme et le regard doux et ferme d'un de ces mortels privilégiés sur la tête desquels un génie protecteur étend son impénétrable bouclier. Il salua l'assemblée stupéfaite, puis, croisant ses bras sur sa poitrine, il parut prêter la plus sérieuse attention à l'oratorio de Haydn, à la création qu'on jouait ce jour-là. Tout à coup, il se rappelle la pétition qu'il a reçue en sortant des Tuileries. Il la cherche dans son chapeau, l'ouvre et lit ces quelques lignes. « Au nom du ciel, citoyen consul, n'allez pas à l'opéra ce soir, ou du moins ne passez pas pour vous y rendre dans la rue Saint-Nicaise. » Il était trop tard. Le premier consul leva alors les yeux, et au troisième, dans une loge d'avant-scène placée vis-à-vis de celle qu'il occupait, il vit la jeune fille de la chapelle de Saint-Cloud qui, les mains jointes, semblait remercier le ciel. Sa tête nue n'avait d'autre parure que les boucles nombreuses de ses beaux cheveux châtains, et sur ses épaules flottait le mantelet noir dont elle s'était enveloppée pour arriver, quelques moments auparavant, jusqu'à la voiture du consul. « Allez, dit Bonaparte à l'âne, montez au troisième, la loge d'avant-scène. Vous trouverez une jeune fille qui a un mantelet noir, vous la conduirez aux Tuileries. Il faut que je lui parle, il faut que je la voie. Tenez, ajouta-t-il en prenant l'âne par le bras et en regardant de nouveau la loge pour montrer la jeune fille. « Tenez, là, c'est celle-là. » La jeune fille n'y était plus, le mantelet noir avait disparu, on ne voyait plus les cheveux châtains, et toute l'habileté de Fouché, tout le zèle de Dubois, ne parvinrent pas à la découvrir. Les personnes qui occupaient la loge ne la connaissaient pas, à peine s'ils avaient remarqué sa venue et son départ. On sait ce qui suivit l'explosion de la machine infernale. Le premier consul voulut que ce crime fût l'œuvre des républicains, et des citoyens innocents furent déportés pour un crime commis par leurs adversaires. On fut obligé d'avouer que l'attentat du Trois Niveaux n'était pas le motif, mais seulement l'occasion de la peine qu'on infligeait. D'ailleurs, dit le premier consul, dans une séance du Conseil d'État, avec une compagnie de grenadiers, je mettrai en fuite tout le faubourg Saint-Germain. Les Jacobins sont des gens déterminés qu'il n'est pas aussi facile de faire reculer. La chouannerie et l'émigration sont des maladies de peau, et le terrorisme est une maladie d'intérieur. Les années s'écoulèrent. Au consulat succéda l'Empire. Pendant longtemps, les victoires suivirent les victoires, les triomphes vinrent après les triomphes. Puis, enfin arriva le moment où l'Europe entière inonda la France et où Napoléon dut abandonner le sceptre que, disait-il, il avait ramassé par terre. L'île d'Elbe devint pour un moment le point le plus brillant du monde, puis l'empereur ne fit qu'un pas du golfe Juan à Paris et l'Empire tomba de nouveau à cette malheureuse affaire de Waterloo où les causes de notre défaite sont encore douteuses et sortiront peut-être bientôt d'un débat élevé entre deux généraux. L'empereur, dont l'aigle ne devait plus se relever, prit le parti de se confier à l'Angleterre. Il pensa que le malheur était sacré, et que la victoire, quelle qu'elle fût, devait rendre généreux. Il fut trompé dans ce dernier calcul, et paya bien cher cette honorable erreur. Au moment de quitter la France, au moment de s'embarquer sur l'esquif qui devait le conduire à bord du vaisseau anglais, des figures amies se placèrent sur son passage pour le voir une dernière fois. Il saluait de la main, et cette bouche, qui avait donné à l'aigle le dernier baiser, souriait encore. Quand il rencontrait un vieux soldat, il lui tendait la main et l'appelait par son nom. Au milieu de la foule, une femme se précipita. Elle était dans tout l'éclat d'une beauté qui, parvenue à son plus haut période, ne pouvait plus hélas que décroître, mais que dans ce moment-là, on ne pouvait voir sans admiration ni sans attendrissement. Tellement la tristesse rendait sévère de beaux traits naturellement joués. « Sire, sire, » dit-elle en lui présentant un papier. L'empereur prit le papier qu'on lui tendait et regarda cette femme. Il lui sembla sentir alors tous les parfums du parc de Saint-Cloud. Il crut qu'en passant la main sur ses yeux, il allait voir la chapelle du château, la quatrième fenêtre à droite de la galerie, Joséphine, Duroc. Puis son oreille percevait les sons de l'oratorio de Haydn. Cette illusion fut courte. Il secoua la tête et revint à lui, puis, jetant un coup d'œil sur le billet, il le déchira en petits morceaux, et élevant la main, il en jeta les fragments à la brise qui s'élevait de la mer. « Arrêtez, sire, » disait cette femme, « il en est encore temps. »« Non, » répliqua-t-il, « c'est écrit. » Et tirant de son doigt un beau rubis oriental, souvenir précieux des campagnes d'Égypte, il l'offrit à cette femme qui baisa la main impériale qui la lui présentait. Puis Napoléon, détournant la tête, entra dans la chaloupe anglaise. Ainsi, deux trois avertissements, deux furent inutiles, parce qu'ils arrivèrent après coup, et le troisième, qui n'était autre que de ne pas se confier à l'Angleterre, Le troisième fut rejeté. Mais qui est-elle cette femme, duc d'Otrante? Cette question était faite à Aix-en-Provence, dans les salons de Fouché, où nous venait de raconter ce que nous avons écrit. On sait que sous la Restauration, l'ancien ministre de la police, après être entré dans le conseil de Louis XVIII, fut disgracié, et qu'il se retira en Provence, où il épousa Mademoiselle de Castellane. Oh, répondit Fouché, je ne sais. L'empereur paraît avoir emporté ce secret. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'une des parents de Saint-Régent, l'un des auteurs de l'attentat du Trois-Niveaux, est morte à l'Hôtel-Dieu en 1837, et qu'on a trouvé à son cou, suspendu par un cordon de soie, un rubis oriental. Ainsi s'achève Trois avis par Marie Écart.